Trop souvent je me sens seul, trop souvent je gueule comme un aliéné. J'ai l'impression d'être un alien au cœur de l'humanité. Quand l'humilité me pousse à avouer que je rêve d'amour et de paix, d'équité sociale, que sur terre il y a manger pour tous. Mes rêves sont banals et pourtant tous me traiteront de pédale, me martèleront que ce genre de pensée ça vaut que dalle. La plupart des gens me diront qu'ils sont d'accord avec mes idées, mais que comme moi ils ont dû choisir entre souffrir d'être réaliste ou souffrir de la vision de l'utopiste. La plupart des gens me diront qu'on peut rien faire, que le monde est ainsi, que c'est pas moi qui changerai, que des héros dans la vie y'en a pas, que Bruce Willis c'est la télé. La plupart me diront que comme moi ils ont eu beau réfléchir, rien n'y a fait après avoir tenté d'agir, rien n'a changé. Que cri du cœur et perte de l'âme, c'est ce qu'ils ont récolté. La plupart des gens regarderont avec un air de nostalgie et de tristesse, sachant que tout ce qu'ils me racontent ça sert à rien. Ce que je ressens ils l'ont vécu étant jeune. Ils savent que pour moi c'est trop tard, que mes yeux sont ouverts, que ma blessure ne guérira jamais. Le monde et ses vérités m'ont poignardé trop tôt, trop jeune. Ma condition sociale a délimité les contours de ma cage, a fait grandir ma rage. Pour la plupart des gens leur cœur saigne, peigne dans les larmes, ils n'arrivent plus à y croire. Dans ce combat beaucoup sont morts, trop ont perdu leur espoir. La plupart des gens y ont troqué le bonheur de l'ignorance au profit d'une peine à perpétuité. Mais quel crime a-t-on commis pour être si sévèrement condamné? Je suis pas responsable des maux de l'humanité, seule ma passivité, vu que j'ai connaissance des faits, doit être jugé. Que faire seul contre une armée? Oser remuer la mer du monde, c'est tenter de se suicider, mourir asphyxié. La plupart des gens l'ont compris et pris pour le salut des futures générations. Mais des générations, combien y en aura-t-il encore, vu que la pollution et la destruction s'accélère? Que la plupart des gens sur terre vivent dans la misère, que les maladies changent mes frères en poussière. La plupart des gens te diront que la fin est proche, que les anges et les dieux nous ont sûrement abandonnés depuis tout ce temps, que tout est joué, que l'été est épipé. La partie ne fait que commencer en vérité. Mais comment se révolter si on a une famille à assumer, un loyer à régler, la nourrice à payer, un crédit sur le dos, l'envie d'un McDo, ses limites, on s'en sort pas à la fin du mois. Donc on se consume dans des vices, peu importe lesquels, l'essentiel c'est oublier, fuir, fermer les yeux, éviter le pire, de voir que chaque jour on danse sur la même musique, le même rythme, le même pas, un robot soumis qui sourit pas, le diable est sous ton Porsche, au fond on n'est plus que ça, de la merde dans un univers de merde. La plupart des gens sont déjà morts, plus de sentiments, alors à quoi bon encore croire que l'argent changera nos vies, puisque le trésor est en nous, mais que la plupart des gens ne le savent pas, ne l'ont pas compris, on s'en sortira pas, la spirale nous aspirera. La plupart des gens veulent vivre heureux.